Chapitre 22. De l'élocution poétique, des moyens de la relever. L'élocution poétique doit avoir deux qualités. Être claire et être au-dessus du langage vulgaire. Elle sera claire si les mots sont pris dans leur sens propre. Mais alors, elle n'aura rien qui la relève. Tel est le style de Cléophon et de Sthénélus. Elle sera relevée et au-dessus du langage vulgaire si l'on y emploie des mots extraordinaires, je veux dire des mots étrangers, des métaphores, des mots allongés, en somme, tout ce qui n'est point du langage ordinaire. Mais si le discours n'est composé que de ces mots, ce sera une énigme ou un barbarisme continu. Ce sera une énigme si tout est métaphore, un barbarisme si tout est étranger. Car on définit l'énigme, le vrai sous l'enveloppe de l'impossible. Ce qui peut se faire par la métaphore et non par l'arrangement des mots, comme, exemple, j'ai vu un homme qui, avec du feu, collait de l'airain sur un autre homme, et autres exemples semblables. Le barbarisme est l'emploi d'un mot étranger. C'est pourquoi l'on en use sobrement. L'élocution poétique sera donc au-dessus du langage ordinaire par les métaphores, les mots étrangers, les épithètes d'ornement et par les autres espèces que nous avons indiquées. Et elle sera claire par les mots propres. Un moyen qui ne contribue pas peu à relever l'élocution, sans la rendre moins claire, c'est d'allonger les mots, de les raccourcir, d'y changer des lettres, des syllabes. Comme alors les mots n'ont plus leur forme usitée, ils paraissent extraordinaires. Et cependant, comme ce sont toujours les mêmes mots, ils conservent leur clarté. On a donc tort de faire au poète un crime de ses licences, et de les tourner en ridicule sur cet objet. Il est bien aisé, disait Euclide l'Ancien, de faire des vers lorsque l'on se permet d'étendre ou de changer les syllabes. Euclide lui-même a fait l'un et l'autre, même dans la prose. La chose serait ridicule sans doute si cela se faisait comme dans les exemples qu'on propose. Mais il y a des bornes ici comme partout. Qui hérisserait un discours de métaphores, de mots étrangers, sans choix et sans mesure, et pour être ridicule, y réussirait certainement. Mais si l'on en use modérément, on verra, surtout dans l'épopée, combien ces locutions font effet. Qu'on mette dans un vers les mots propres à la place des métaphores, des mots étrangers et d'autres, on sentira combien ce que nous disons est vrai. Eschyle et Euripide ont rendu la même idée dans un vers iambique. Celui-ci n'a changé qu'un seul mot. Il a remplacé le mot propre par un mot étranger. Le premier a fait un vers médiocre, je le cite, « Un ulcère mange mes chairs ». Euripide a fait un beau vers, je le cite, « Un ulcère cruel se repaît de mes chairs ». Que dans les vers où Homère a mis « oligos » ou « tidanos » « achicus », on mette « micros » « asthénikos » « aeides ». Ou dans un autre endroit où il y a « aeikelion » et « oligen », qu'on mette « mokteron » et « mikran ». Ce ne sont plus des vers. Et d'ailleurs, qu'on dise, je cite, « les rivages retentissent ». Au lieu de « les rivages mugissent », quelle différence ! Il y a encore un certain Ariphrades qui a voulu railler les tragiques sur ces locutions dont personne n'use dans le langage commun. Par exemple, lorsqu'ils écrivent « omaton apo » pour « apodomaton »,« seten »,« ego denin »,« achilleos peri » et autres phrases semblables. C'est précisément parce que personne n'en use qu'elle relève l'élocution. Et c'est ce que cet Ariphrades ignorait. C'est un grand talent de savoir mettre en œuvre les locutions dont nous parlons, les mots doubles, les mots étrangers, etc. Mais c'en est un plus grand encore de savoir employer la métaphore. Car c'est la seule chose qu'on ne puisse emprunter d'ailleurs. C'est la production du génie, le coup d'œil d'un esprit qui voit les rapports. Les mots doubles conviennent spécialement aux dithyrambes. Les mots étrangers à l'épopée, les métaphores au poème iambique. Avec cette différence que toutes ces espèces entrent également dans le vers héroïque et que l'iambique, imitant le langage familier, ne peut recevoir que ce qui est employé dans la conversation, c'est-à-dire le terme propre, la métaphore et quelques épithètes. En voilà assez sur la tragédie et sur tout ce qui a rapport à l'imitation dramatique.